choses comme ça. OK. Deuxième sujet, 145, vivre ou survivre. Quand on parle de survie, c'est le propre, dans la survie, c'est le propre des gens qui ne sont pas définis. Et quand une personne n'est pas définie, elle se cherche une raison d'être pour elle-même et par rapport aux autres. Donc, il y a toujours un facteur double là-dedans. La survie est composée, je pourrais dire carrément, du problème de l'échange d'envie. Parce que si tu as un sens de vie qui se développe pour toi, c'est toujours en relation avec les autres, tout le temps. Fait que je pense que la plus grosse préoccupation des gens, c'est de créer des conditions d'efficacité, de valeur de vie pour pouvoir avoir un salaire qui est donné par un autre. T'sais, vous ne vous donnez pas un salaire, vous vous donnez une valeur reconnue par un environnement qui a besoin de votre valeur et qui va vous donner un salaire en fonction de la valeur que ça a. OK? Conséquemment, ben, c'est-à-dire l'individu dans la vie recherche continuellement à avoir de la valeur pour les autres, pour avoir un salaire, donc avoir une reconnaissance. On commence à bien vivre quand c'est acquis qu'on est reconnu. On vit bien, ou on a une capacité de traiter avec l'échange facilement quand il y a une reconnaissance. Quand cette reconnaissance-là, elle est liée à de l'argent, ben ta reconnaissance, elle est publique, globalement publique. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de connaître les gens autres que par le besoin qu'ils ont d'avoir de l'argent. Tant que vous n'êtes pas capable de générer de l'argent, vous n'êtes que dans une reconnaissance de gens qui vous aiment bien. C'est-à-dire que c'est l'affection qui est votre zone de reconnaissance. Parce que les gens vous aiment bien. Donc, si vous avez de l'argent, vous êtes reconnu par tout le monde et pas nécessairement obligé d'avoir de l'argent. Donc, la préoccupation de la survie, c'est de trouver une zone de définition dans laquelle vous cherchez à avoir de la valeur pour que quelqu'un éventuellement reconnaisse dans votre valeur un produit d'échange. S'il n'y a pas de reconnaissance à ce niveau-là, ben vous avez des problèmes de survie toute votre vie. Parce que toute votre vie, vous allez chercher à être reconnu. Pas être aimé, reconnu. Aimé, c'est un petit groupe. C'est familial. Si dans votre famille, on ne vous aime pas, puis dans la société, on ne vous aime pas, si bon, vous êtes mort, pas bien, bien compliqué, vous n'avez aucun moyen de survivre. Donc, il vous faut tout le temps être capable d'avoir une zone de reconnaissance publique qui passe par le biais de l'argent, ou une reconnaissance privée qui va passer par l'affection, puis le « je l'aime bien », mais que là, c'est vrai, vous êtes vraiment dans un circuit fermé à ce moment-là. Moi, je considère que pour bien vivre, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir une ressource monétaire. Si vous n'avez pas ça, vous allez être obligé de rester dans une zone de survie où c'est votre environnement émotionnel qui va vous garantir votre droit de vie. Moi, dans le temps que je pouvais faire 80 000 par année, 100 000 par année, je pouvais vivre parce que j'arrivais avec de l'argent dans n'importe quel genre de public, puis j'avais une valeur d'échange. Là, au salaire, je suis rendu, là, dans les 40 000, 45 000, je suis obligé de commencer à regarder un secteur qui m'aime bien. Qu'ils vont pouvoir commencer à faire du chantage sur ma vie, parce que ils vont dire, ben, t'aimerais-tu ça venir au restaurant, t'aimerais-tu venir à Noël, jour de l'an, ah ouais, la chaîne de sucre commence à partir, puis si je refuse, ben là, ils vont dire, ben, peut-être j'ai moins le goût d'aller au consultant, moi, j'ai moins le goût d'aller aux conférences, tu sais, là, je tombe dans un chantage, là, je suis en survie. Mais quand vous êtes aimé dans un petit cercle, vous vous faites faire du chantage. Vous vous sentez obligé à. Ça, quand vous êtes là, là, vous êtes en mode survie. Ou bien vous vous battez pour vivre, et si vous réussissez pas ça, vous êtes en mode survie forever. Il y a des gens qui sont en mode survie forever, parce qu'ils veulent tout le temps vivre en fonction de l'amour qu'ils génèrent. Ils veulent tout le temps être dans un monde qui va les prendre en charge. Et si vous jamais vous tombez dans ce trap-là, je vous jure que vous allez en baver des émotions, parce que là, vous allez voir à quel point le monde sont vampires. Faites bien attention à ça. Survivre, c'est, je dirais, à 100% toujours lié à l'émotif. Vous voulez être aimé avant d'être reconnu, et c'est l'erreur. Vous devez être reconnu, puis si on vous aime, tant mieux. Mais vous devriez tout le temps mettre votre focus le plus jeune possible à un travail de faire du cash. C'est ça que j'ai montré à mon gars. J'ai dit, moi, je pars dans ma vie, si t'as appris à faire de l'argent, si t'as appris à te mettre en mode échange, à faire du marketing, de la mise en marché, si t'es capable de toujours vendre quelque chose, le meilleur profession au monde, puis toutes les professions au monde sont rattachées à vendre quelque chose. Même le scientifique qui a pris des études, 3 doctorats, ta-ta-ta-ta-ta-ta, il faut qu'il se vende. Si vous n'êtes pas capable de vendre, vous êtes des morts vivants. N'importe qui sur la planète a besoin de se vendre tout le temps. Jamais pensez que vous allez être reconnu forever. C'est pas vrai, ça. Vous allez être reconnu pour ce que vous apportez. Vous n'êtes jamais aimé avant d'être reconnu dans la société. T'es pas là pour te faire une famille quand tu vas travailler. T'es pas là pour que le monde t'aime quand tu vas travailler. T'es là pour donner un rendement qui va être reconnu comme étant le meilleur que la personne peut vouloir. Mais si tu penses que t'es le top, tu vas voir qu'il y a du monde qui sont meilleurs que toi, qui travaillent en équipe. Faut pas que tu sois là pour te faire aimer. Faut que tu fasses un job pour te faire reconnaître. Le patron, il est pas là pour t'aimer, il est là pour te faire un job. Point final. Comment tu peux t'acharner? Les gens qui sont en survie veulent une reconnaissance affective. Ils veulent retrouver une famille qui est dans les bons standards. Bons standards étant, mon père et ma mère sont supposés me protéger quand je suis jeune. Si ton père et ta mère ne t'ont pas protégé quand tu étais jeune, Chris, tout ce qui te reste, c'est de te faire reconnaître pour être recherché. Recherché parce que tu fais des beaux ménages, recherché parce que tu fais quelque chose qui est top-notch, puis tu sais, ta-ta-ta-ta. Là, ça te demande une structure, ça te demande une organisation, ça te demande une mécanique comptable, une mécanique légale dans certains cas, pour pouvoir être capable de fonctionner dans la société, la sauce-ciété. Une petite sauce. Il y en a de la béchamel, puis il y en a de la sauce-ciété. Il vous faut être dans la sauce de quelque chose de social. Et si vous êtes pas capable de comprendre ça puis que vous voulez qu'on vous aime, le monde sont pas nés sur la planète pour vous aimer. Je sais pas combien de milliards de fois je l'ai dit. Et moi, je ne pars jamais sur le fait qu'on va m'aimer. Je pars sur le fait qu'on va me reconnaître. Et je travaille pour être reconnu pour que publiquement je fasse des scènes. Aimer, c'est une conséquence d'être reconnu. Mais c'est pas aimé en premier puis reconnu après. Non, pas moi. Correct, j'ai fini. Tu sais que ça? Bon, je sais que pour être reconnu, il faut que je parle plus longtemps. Hein? Sans ça, vous avez dit, Christ nous a fourré de 40 piastres, lui-là. Fait que, de la survie, c'est toujours lié à un facteur sentimental et effectif. Je dis, oui, mais Daniel, si tu as des choses parce que tu veux être aimé, oui, je sais, mais tu ferais remarquer que c'est un poste de dépense dans ma comptabilité. Ça me coûte 400 piastres par mois. Là, tu vas dire, comment tu peux justifier de dépenser 400 piastres par mois pour des chats? Écoute, c'est simple. Je suis en situation de survie, puis une femme dans ma vie, ça me coûte 4 fois le prix. J'ai pas les moyens. J'ai pas le moyen d'être en couple pour me faire aimer. J'ai pas les moyens. Plus j'avance dans la vie, plus ça me présente le fait que j'ai de moins en moins les moyens d'être effectivement enveloppé. Vous avez un chien, ça va vous coûter 50 piastres par mois. Vous avez autant de chats que j'ai. Moi, écoute, je suis bien organisé, structuré pour payer ma bouffe à un prix ridicule. Et puis, ça me coûte quand même 400 piastres par mois. Émotion égale dépense. C'est-tu clair? C'est beau. Travail égale entrée d'argent. Mais quand je travaille, il ne faut pas que je sois dans l'émotion pour bien faire mon travail. J'ai bien des trous. Je cherche pas pour toutes les situations. Une gens m'appelle, 5 minutes, 10 minutes. Daniel, je me suicide pas. Oh. Attendons une couple de jours, puis que j'y repense. Puis, tu sais, je cherche pas pour ça. C'est comme, bon, oh, c'est banal. À mesure que vous n'êtes pas dans l'émotion, vous allez survivre. Si vous êtes dans l'émotion, ça va vous tuer à petit feu, mais ça va vous tuer. Si vous commencez à vivre, c'est parce que vous travaillez pour être reconnu et que dans la reconnaissance, les gens vont dire « ça coûte combien? » OK? C'est comme ça que ça se passe dans la société. Quand mon gars vend des escaliers, là, il n'est pas en amour avec qu'est-ce que la personne va vivre quand les invités vont monter l'escalier. On s'entend-tu? Il vend des escaliers. Et il y a peut-être un rapport affectif avec sa blonde qui travaille avec lui, peut-être avec les employés qui engagent. Puis j'ai dit, oublie pas, c'est pas ta famille, mais ça peut être ta famille, mais ça sera pas ta famille, parce que tu vas être le père. Puis les enfants, c'est tannant, puis ta-ta-ta. Puis on, tu sais, toi, tu as eu une bonne éducation, mais je suis pas sûr que tu vas être capable d'en donner une à 17 personnes, tu sais. Donc, moi, j'en avais juste toi à m'occuper, c'était plus facile. Tandis qu'à 17, un va dire, pourquoi tu donnes ça à lui, puis je me le donne pas à moi, puis papapapa, les syndicats vont rentrer, puis ta-ta-ta. Tu vas refroidir assez vite, merci. Si tu as besoin d'être reconnu, arrange-toi pour être reconnu comme un bon boss, mais pas un boss lousse. Faut que tu sois un boss qui a de la colonne, qui prend des décisions, qui est en autorité dans ce qu'il fait, puis qui sait où ce qui s'en va. Les gens ont énormément besoin de sécurité. Ils ont besoin d'une paye à toutes les 2 semaines, puis ils ont besoin de la sécurité du boss qui fait des coups d'éclat, mais qui sait où ce qui s'en va. Vous savez? Donc, la reconnaissance, c'est votre moteur de vie si vous voulez vivre. L'émotion ou l'affectivité, ça va être votre survie. Vous allez, c'est comme du paiement, on m'aime puis on pense qu'on est reconnu, mais on n'est pas reconnu quand on est aimé. On est utilisé. Puis t'es un élément où si en plus de t'aimer, on te laisse pas dompter ta vie, on dit tu peux pas décider de ta vie, tandis que si vous êtes reconnu puis que votre compétence est reconnaissable, c'est pas une ou deux ou 4 personnes ou 10 personnes qui vous aiment, qui vont vous faire vivre. C'est des milliers d'individus qui vont avoir besoin de vous autres. Vous me suivez? Pas sûr, hein? Mais ça se comprend en termes de collectivité, ça se comprend. Mais comment appliquer ça, disons, à l'intérieur de vous? Comment on peut concilier vie et survie, ouais, c'est ça? OK. Es-tu capable de voir que c'est pas ta femme qui va te faire vivre? Es-tu capable de voir que tu as des limites à la faire vivre? Quand quelque part le couple va demander quelque chose, que les deux ont besoin d'une reconnaissance publique pour les nourrir, que si vous n'auriez pas la société pour te donner un job, puis elle y donner un job, vous ne pourriez pas vous donner tout seul, à vous deux, la vie. Que pour vivre, pour avoir une belle maison comme toi, il a fallu que tu travailles à l'extérieur. C'est pas elle qui t'a donné une maison, puis c'est pas toi qui a donné une maison. Vous vous êtes donné, par la reconnaissance publique, une maison. On pourrait dire que c'est la société qui vous a donné une maison. Puis c'est la société qui vous a permis de l'améliorer. Tout ce que vous avez mis dedans, c'est beaucoup d'amour ensemble à avoir une maison qui fait votre affaire. Mais ça reste que pour le faire, il fallait qu'il y ait une reconnaissance publique. Tu fais quoi, toi? T'es tout seul, il n'y a pas personne qui t'aime, puis, tu sais, je veux dire, t'as pas ta femme. Tu vas quand même avoir besoin de reconnaissance publique. Si t'as pas ça, sacrément, c'est la fin du monde. Mm. Elle, c'est pareil. Ensemble, vos deux reconnaissances publiques vous permettent de vous créer une combinaison de ressources qui fait que vous allez pouvoir en faire plus. C'est tout. Tu as répondu à ta question? On n'est pas tout seul dans la vie. Puis il y a une raison à ça. Puis que vous vous donniez comme objectif d'avoir quelqu'un qui vous aime, c'est un poste de dépense. On s'aime, on dépense. À partir de... Dépenses, la colonne des dépenses. Ça fait partie des colonnes de dépenses, l'amour. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'aime, ça me coûte cher. Si j'aime mes chats à outrance, ça va juste les chats en perte. c'est un minimum de 15 000 que je paye. Mon 10 000 piastres de dépôt, c'est à la maison, parce que moi, j'étais bien dans cette maison-là avec mes chats. Mais pas de chat, je suis plus bien. Donc, si je paye ça, parce que là, si je m'en vais, l'autre, il me le rembourse pas, il le garde. Parce que pour lui, c'est un avantage. Il va justifier ça de 56 millions de façons, puis il peut me traîner encore la vitam aeternam, là, tu sais. Parce qu'il est millionnaire, puis moi, j'ai pas la capacité de suivre ça. Fait que AMO égale poste de dépense. Travail égale poste de revenu. Même si je m'en vais faire de la consultation dans un Tim Hortons, ça représente 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres de revenus. Bon. Vous autres, vous dites dans la vie, là, moi, je veux vivre. Ouais, je veux vivre. C'est parce qu'il y a un prix à payer pour vivre. Il y a le prix de te plonger dans le monde et de convenir à une consommation de ton potentiel. Faut que tu conviennes avec ça. Faut que je convienne que l'intelligence que j'ai, que je sais réellement supérieure, elle puisse servir à quelqu'un. Faut pas que j'écrase la personne avec mon intelligence. Faut que je la mette à son service. Faut que je la mette dans tout ce que je fais dans ma vie. Faut que ça devienne quelque chose que je peux mettre en échange. Tout le temps. Tout ce que je fais dans ma vie, faut que je fasse 20 piastres par jour. Fait quand je fais des balles à 40 cents de la balle, fais le calcul combien de balles faut que je fasse dans une journée pour faire 20 piastres par jour à 40 cents de la balle. Tu es capable? Oui, c'est 100 balles minimum. Hein? 100 balles, c'est 40 piastres. Si tu ne le fais pas, que tu mets pas ça, que tu mettes ta production de balles à des échanges pour aller tirer avec les gens, puis ces choses-là. Faut que mes carabines se mettent au service des gens. Je m'isole dans « j'aime vivre » et je me crée de la survie. Parce que là, je deviens un poste de dépense. Moi, je dis aux gens, moi, vous structurez pour pouvoir voir clair dans vos chiffres. Elle a pensé qu'elle dépensait X montant, puis là, elle commence à rentrer ses chiffres, elle dit, mon Dieu, je dépense le double. Sais-tu que c'est important d'avoir des postes de dépenses puis des postes de revenus, puis de comprendre qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux-là? Parce que si tu perds un équilibre entre ces deux-là, tu vas te coller dans la marbre. Que toutes les affaires que tu vas faire par pur sentiment vont te mettre dans la marbre. Donc, vivre égale reconnaissance et survie égale manque de définition. C'est large, le manque de définition. C'est dans tes idées, tes valeurs spirituelles, tes croyances. C'est dans tout ce qui fait que tu es au service des autres sans échange. C'est tout ce qui fait que les gens, dans leur pure animalité, peuvent te consommer sans échange. Que si tu te définis, puis tu as une carte d'affaires, puis que, bon, tu sais, elle, mettons, elle dit, consultante en crise. Avant de mourir, venez me voir. Elle marque ça sur sa carte. Ah, il y a bien du public pour ça qu'avant de mourir, ils vont l'avoir. Mais avant de mourir, on veut que tu... Je veux un petit héritage de ta personne. Parce que dans le temps qu'on n'est pas devant le notaire, là, puis que ça serve à des gens qui n'ont jamais travaillé pour toi, parce que les gens, ils donnent leur héritage à des gens qui n'ont jamais pensé à s'occuper de toi, alors que Chris, t'as un héritage à donner, donne-le au moins à du monde qui sont occupés de toi. Bon, ben toi, moi, je m'occupe de toi, tu me donnes 50 piastres, puis la vie est belle. Tu sais, donc, un petit peu de ton héritage, de ton vivant, puis moi, je suis heureux, toi, t'es heureux, puis tout le monde est heureux. T'acceptes pas de venir me parler de ta sauce, puis de me donner un échange en retour? On n'a pas à se voir, ma grande. On n'a pas à vivre ensemble dans un espace commun. That's it. C'est simple, ça, là. Fait que, si tu veux vivre, faut que tu sois reconnu. Puis, si tu veux survivre, faut qu'on t'aime. Pas pareil partout. Moi, survivre, je sais pas. Les chats, ils m'aident pas à ma survie, moi, là. Ils m'aiment en crise, mon homme. Surtout quand j'arrive avec de la bouffe, là. Hostie qu'ils m'aiment. C'est drôle. Ils sont toujours heureux quand j'arrive avec une dépense. Mais jamais j'ai un chat qui m'a trouvé le numéro de la 649. Ouais, faut décoder aussi, hein. Elle fait bien de l'étude, le chat. La souris, est-tu reliée à une passivité? Écoute, dans la mesure que tu considères qu'aimer, c'est passif, oui. Dans la vie, tu es dans l'action. Dans la vie, il faut que tu sois en échange. L'amour égale poste de dépense. La reconnaissance égale poste de revenu. Ça commence à être utile à un couple quand dans le couple, l'autre travaille à ce que tu aies une reconnaissance publique et non pas de l'amour public. Que tu sois aimé par 40 personnes, si ça ne te fait pas vivre, ça sert à quoi? Puis si on t'aime 40 personnes, on t'aime pour quoi? Tu fais quoi? Tu échanges sur quoi? La game est toute là. C'est simple de même. Vous avez une évolution à vivre, vous avez des prises de conscience à faire, puis je vous donne une crise de bonne clé là-dedans. Là. J'ai toujours dit, les émotions, ça coûte de l'argent, puis de la reconnaissance, ça fait faire de l'argent. Et vous travaillez toute votre vie à vous faire reconnaître, mais quand vous êtes dans une situation où vous reconnaissez quelqu'un, une compétence quelconque, il y a un salaire au bout de ça. C'est pas du sentiment, là, c'est un salaire. Vous suivez? Quelqu'un, tu ferais-tu des massages gratis à la semaine longue? T'aurais du monde en esti, hein? Oh, le monde t'aimerait. On l'aime-tu, cette Monique-là? Hey, elle a fait des bons massages. Puis là, tu viens de payer ton épicerie, esti, puis c'est à peine si t'as les moyens de t'acheter un demi-sac de riz. Tu te vois-tu sur le comptoir calculer tes riz, là, grain par grain, puis savoir, j'en veux pour 25 cents. Hein? Faut du salaire. C'est de la reconnaissance, ça. Reconnaissance égale salaire. Sentiment égale poste de dépense. Dans la reconnaissance, ça veut dire que tu sais ce que tu fais et tu sais ce que ça projette. Tu sais ce que ça fait à l'autre. Est-ce que le manque de reconnaissance peut être karmique au niveau de la programmation? Non. Tout le monde est venu au monde avec un talent. Puis tout le monde a l'obligation de développer son talent. Tout le monde a l'obligation de développer son talent. Je n'aurais pas commencé à parler à 14 ans. Là. Je ne suis pas là. Et qu'est-ce qui fait que l'humain est défini? Il fait des choses. Il fait, fabriquer, faire. Bien important le concept de l'action. Il ne faut pas qu'il soit passif, il ne faut pas qu'il se fasse prendre en charge pendant un processus décisionnel. Un employé est moins défini qu'un patron. Le patron, c'est lui qui définit la ligne de conduite de l'entreprise. C'est pas l'employé. Pourquoi? Parce qu'il pose des actes à conséquence. L'employé va poser aussi des actes à conséquence, mais un employé qui est trop compétent, il se part en affaires. Puis un employé qui est juste efficace, qui est reconnu pour son efficacité, il est quand même remplaçable. Pour être irremplaçable, il faut que tu crées ta propre entreprise. Là, tu es irremplaçable. L'entreprise ne peut pas être si tu n'es pas. Fait que, moi, j'ai dit à Jujo, quand il a décidé de sortir de l'école, il était en 12e année, il dit, je suis tanné de l'école, il dit, c'est tout des retardés là-dedans, là. Il dit, ça avance pas. Mais c'est sûr que si tu compares l'éducation que je te donne avec ce que les autres reçoivent de leurs parents, t'es en avant pas mal. Mais j'ai dit une chose, moi, ça me dérange pas que tu lâches l'école, mais la vie, c'est une école. Tu vas être obligé d'apprendre toute ta vie, là. Puis j'ai dit, en partant de l'école, tu pourras plus être autre chose qu'un employé. Tu décides à 16 ans d'être un entrepreneur, là. C'est ça que tu prends comme décision. Je peux te supporter là-dedans pour être un entrepreneur, mais tu vas être obligé de te définir dans ton entrepreneuriat, là. J'ai dit, là, tu sors de là, puis qu'est-ce que tu as à faire? C'est faire des boîtes de son pour mettre des haut-parleurs dedans. J'ai dit, si tu penses que tu vas vivre de ça, j'ai des petits doutes un peu, parce que si je regarde ta carte du ciel, techniquement, tu es supposé faire plus que ça. Tu es supposé aller à l'international. Bon, okay. J'ai dit, là, tu as 16 ans, on peut dire qu'on peut attendre encore un peu. Mais faut quand même que tu ailles avec une ambition puis une capacité de te définir dans différentes choses. OK. Question? Je n'y vais pas, hein? Je suis accessible. Par rapport à la reconnaissance, reconnaissance, mettons, c'est tu es dans le marché, donc, du marché spéculatif. Comment tu capable, parles de la bourse, là. Comment okay. Tu es capable d'aller chercher cette reconnaissance? Tu n'auras jamais de reconnaissance autre que par le fait que tu achètes et que tu revends. Que tu réussis à faire l'échange. Tu achètes, tu revends, puis ton capital, il plie. Il plie pas. Okay. C'est juste toi que tu es capable d'avoir cette opinion. Là, présentement, là, avec le type de marché qu'on a depuis le mois de janvier 2014-15, surtout 15, moi, je t'assurais de faire 1 000 $ par semaine. Fait que la reconnaissance vient du fait que la certitude de créer ce mouvement-là. J'ai la certitude. Ça me permet de reconnaître ma capacité, moi. Mais elle n'est pas reconnue par personne d'autre, là. J'ai simplement une reconnaissance personnelle. Je sais que je peux faire ça. Je sais que je peux vous le montrer. Je suis capable de vous le montrer. Mais je ne peux pas vous assurer que vous êtes capable de le faire. Je peux juste vous le montrer. Je suis capable de prendre des petits gains tout le temps et de faire mon 1 000 $ par semaine. Des fois, je fais 3 000, mais mon objectif, c'est 1 000 $ par semaine. OK. Fait que lorsque tu passes à l'action réellement, là, tu rentres dans la... Dans la zone de reconnaissance. Oui, okay. C'est ça. Exactement. T'engages là tout le temps quelqu'un qui est sûr de ses moyens. Ou quelqu'un va se partir en affaires quand tu vas être sûr de ses moyens. Le fictif qu'a fait, dans quelle mesure ça lui permet d'être sûr de ses moyens? C'est le blueprint. Il faut faire une maison, il faut que tu aies une architecture. Il faut que tu aies un architecte qui dit, bon, ben là, c'est tant de pouces pour telle affaire, puis c'est ci, puis c'est ça, tu sais. Que quand tu fais du fictif, tu te bâtis. C'est une job d'architecte. Mais c'est ça, de conception. Et quand tu vas passer à l'action, tu vas avoir un job de création. Là, moi, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix, là. C'est pas que je suis pas prête, mais c'est que j'ai pas les ressources concrètes pour pouvoir agir concrètement. C'est que, ouais, ben là, c'est parce qu'on est. Tu me demandes une expérience de. Moi, je suis pas reconnu. Il me prend reconnaissance 30% sur un petit compte. Il sauve un gros compte. Puis là, je suis pas reconnu. 30%, c'est mon salaire. Qui dit reconnaissance dit salaire. Mm-hmm. Fait qu'il reconnaissait dans la forme ton pédigree. Ouais, mais. Il n'était pas capable de reconnaître jusqu'au bout. L'effort des deux côtés, lui fournissait d'argent, toi tu fournissais la conception. La conception et l'exécution. J'étais exécuteur là-dedans. Mm-hmm. Ça a été comme ça avec tous les estis de portefeuille que j'ai gérés. C'est un homme qui a l'envoi en échange. Écoute, je peux pas reprocher à la planète d'être des animaux, mais à un moment donné, Chris, il faut que je sache où je peux me faire mordre. Puis là-dedans, mais je peux me faire mordre. Fait que je fais attention. Je m'arrange pour que pour pas me faire mordre. C'est tout. That's it. Tu vas me dire, as-tu le goût de trader des portefeuilles? Écoute, c'est que même si quelqu'un est honnête, la vie peut vouloir le bloquer sur quelque chose. Parce qu'il n'y a pas une expérimentation, une expérience quelconque. Tu sais, c'est. Regarde Richard, j'ai jamais eu de trouble d'honnêteté avec lui, mais sa blonde en arrière a venu fucker à patente. J'ai jamais su que je pouvais faire de l'argent avec lui. Tu sais, c'est sûr qu'un drawdown, t'en pognes des fois, puis Chris, quand ça claque, ça claque. Mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il panique. Moi, je peux vous garantir que si vous appliquez ce que je sais dans le marché, vous allez fonctionner. Mais je ne peux pas garantir votre cerveau. Je peux pas garantir que vous prendrez pas le God syndrome, puis qu'à un moment donné, vous allez vouloir faire ça à votre façon. Je peux pas garantir ça. Donc, je peux pas dire aux gens, je vous garantis que vous allez faire de l'argent. Je peux vous garantir que le système est impeccable, mais je peux pas vous garantir que votre crise de cervelle va faire ce que je vous dis de faire. Ça, je peux pas le garantir. Pas compliqué, hein? Voilà. On revient à notre sujet. Être connu par les autres d'une compétence, ça ne vous garantira pas à vous autres que l'autre va vouloir vous avoir dans sa soupe parce qu'il peut vous interpréter comme un élément plus dominant que lui. Fait que si t'es trop, comme moi, si je suis trop intelligent, les gens peuvent se mettre contre moi parce que je suis trop intelligent. Tu comprends-tu? Moi, je vise pas l'amour, moi, des gens. Je vise la reconnaissance. Je vise le qu'est-ce qui est le taux d'efficacité dans le rapport avec les personnes. C'est juste ça que je vise. Est-ce qu'il fait qu'une personne ne reconnaît pas l'autre? Ah, oh, ben, c'est parce que pour les raisons de jalousie, des raisons de... Tu sais, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un petit peu éclatant dans ce que tu fais, là. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de l'individu, un accueil? Le sentiment, l'émotion. Le bienvenue chambre. Ah non, c'est... T'as un poste de dépense, n'oubliez pas ça. Là. Non, oh, non. Il y a des gens, je vois des jeunes, des fois de 18 ans, qui ont tellement pris de coke puis de toutes sortes d'affaires qui sont brûlées. Oh, non, c'est pas l'âge qui fait que t'es brûlé, c'est qu'est-ce que t'as fait dans la vie. Tu sais, mais... Moi, personnellement, si tu viens me voir, je peux te trouver une utilité, là. Mais il faut quand même qu'en arrière, ça allume, là. Je peux pas vivre ta vie, moi. Tu sais, Non, mais tantôt, d'abord, c'est par rapport aux décisions. Il faut comprendre nos décisions. C'est quand on va te voir que tu roules. Moi, là, je t'ai dit une seule chose que je vais te redire jusqu'à temps que tu le fasses. Va vendre. Jamais j'ai vu en 2 ans une volonté d'aller vendre. Jamais. Et tant que tu ne le feras pas, tu vas mourir à petit feu chez vous, dans ta maison, ou en pognant le fond de ton crédit hypothécaire. Je me suis quand même vendu, je me suis trouvé des ans. Oui, et ça t'a fait te reconnaître au point d'en avoir un stable. Voilà. C'est qu'à un moment donné, tu agis, mais si c'est pas toi qui es responsable de tout, là, ben, je parle de ça. Si je parle pas, moi, là, à cause de l'amour de mes chats, je suis mort, hein? On s'entend-tu? Que je sois mort d'une balle que je me tire, que je me fasse tirer par un policier, ou que je meurs malade dans le fond d'une grange, ça restera tout le temps que le geste qui est en train de se poser a des conséquences énormes sur ma vie, énormes. Vous en avez pas la mesure, moi j'en ai la mesure, parce que je sens les choses. Et tu peux très bien sentir que tu t'en sortiras pas et que tu peux être une morte vivante pendant 3 ans, 2 ans, tout dépendant de quelle valeur ta maison a sur le marché, qui va faire que tu n'auras plus de ressources pour avoir une valeur d'échange chez IGA. Quand tu n'as plus d'argent pour payer ton épicerie, là, excuse-moi, là, il y a un problème, là. OK? Et ça, là, c'est pas ta capacité d'emprunt qui va régler le problème. C'est ta capacité de générer qui va régler le problème. Fait que dans la vie, tu vis ou tu survis. Et tu survis quand tu es dans une problématique émotionnelle. Tu as trop parlé longtemps de ton passé. Sans ciboire, ça va te tuer à petit feu, calice. Faut que tu sois dans ton avenir. Faut que tu sois dans une volonté d'aller vers les autres. Pas une façon d'éviter les autres. Et ça, faut que tu pousses. Mais il faut pas que ça dise non dans ta tête. Faut jamais que ça dise non. Si moi, le jour où je vais dire non, je vais plus parler, j'aurais plus zéro valeur, zéro capacité d'échange. C'est simple de même. Vous faut vouloir être stimulé, être dynamisé, des gens que c'est dynamisant d'aller vers faire quelque chose avec eux autres. C'est simple de même. Il faut ça. Mais regarde, j'ai compris tout ton message. Mon questionnement, c'est que même si je me déplace pour aller chercher de l'emploi... Ouais, c'est toujours la photo face. J'ai plus rien à dire. Non, écoute, parle avec Gilles, ça va aller plus vite. Non. C'est toujours la faute aux forces. C'est toujours la faute. C'est comme Claire. Dis-moi, si les forces ne m'envoient pas d'ouvrage, tabarnak, qu'est-ce que tu as fait à ce type pour gérer ta finance, calice? Ouais, mais je peux pas gérer quelque chose que je n'ai pas. Ben, c'est ça. Quand tu n'as pas, tu ne dépenses pas, calice. Moi, j'ai un suivi extrêmement serré de ma finance. Et je survis parce que je sais où je m'en vais dans ma structure. Si j'ai pas ça, si je peux pas dépenser, calice. Là, je voulais m'acheter des boulets, là. Pas le temps d'acheter des boulets, calice. On commence que, m'a vendre ce que j'ai, là. Hier, t'as tiré parce que j'ai fabriqué des balles. Ça veut dire que j'avais de l'argent pour fabriquer des balles. Faut que j'investisse avant de vendre, calice. Alors, j'ai pu te vendre 40 balles hier, 40 balles à elle, parce que j'avais fait des balles. Mais j'ai plus de boulets, j'ai plus de poudre, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Je peux plus rien vendre. Donc, si je peux plus rien vendre, je peux plus rien vendre. Il faut que vous ayez quelque chose à vendre. C'est toujours vendre. Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi vous vous obstinez à pas comprendre, mais calice, à un moment donné, vous allez avoir le couteau sur la gorge, puis il va trancher pour vrai. Puis ce ne sera pas l'État islamique qui va l'avoir fait. C'est vous autres qui allez le faire, qui l'aurez fait sur vous autres. Il est-tu clair, le message? Je sens dans ta tête que mon tabarnak, je ne le ferai pas! C'est ça que j'entends. Moi, les forces, il faut qu'ils me donnent quelque chose. Les forces ne vous prendront jamais en charge. Les forces ne vous prendront jamais en charge. Les forces, présentement, ne me prennent pas en charge. Ils ne me rendent pas ça facile. Je le passe mon test ou je le passe pas. Voilà! Et c'est quoi le test? Garde ton échange, le gros. Ce qui est cohérent, c'est que tu gardes ton échange, que tu aies de ton environnement le maximum de reconnaissance possible, que même si tu vas à la ville, il faut qu'on te reconnaisse, il faut que tu fasses les choses de telle façon à ne pas bouleverser la ville. C'est bien clair que si j'arrive là avec une 308, je n'aurai pas trop de reconnaissance, on s'entend-tu? Moi, ils mettent en mode défense. Il faut que je reste intelligent tout le temps, tout le long, puis que ça se fasse toujours intelligent tout le long, puis qu'il y ait toujours de la reconnaissance dans mon environnement. C'est ça ma carte à jouer. Si je joue cette carte-là avec vous autres, il faut que je joue la carte avec n'importe qui, sa planète, il faut toujours que je travaille à être dans de la reconnaissance. Ne serait-ce que pour garder la vibration, pour que les forces me donnent quelque chose. Mais je te dis une chose, les forces, ils donnent rien. Asti qu'il faut le gagner, Chris. Le jeu qu'il faut le gagner. Ouais, ben c'est ça. Étudie avec les forces. Toi, tu dis que tu as le canal clair. Étudie avec les forces. Quand tu es dans un problème, puis que tu te penses intelligente, puis que tu dis, ah ben moi, j'ai un canal qui est clair, OK? Étudie avec ton canal, qu'est-ce qui est clair pour savoir quoi faire. Moi, j'étudiais avec mon canal, qu'est-ce qui est intelligent à faire. Je regarde toutes les composantes dans une vibration qui vont faire que c'est winner. Si je fais pas ça, si, bon, ils vont me mettre dans le dash, c'est un claquement de doigts. L'échange, tout le temps, l'échange. Quelqu'un qui a ça dans la tête, là, l'échange, il va être reconnu, ils s'en font. Tu sais ce qui me fascine le plus? C'est, je vais dire quelque chose à Claire, mettons, puis tout le monde comprend, excepté elle. Puis je parle à n'importe qui, puis à un moment donné, là, c'est comme à cause peut-être du ton, je sais pas qu'est-ce que j'ai qui fait qu'on dirait que le monde se braque. Mais le monde, ils finissent par se braquer contre moi alors que j'essaie de les aider. C'est quoi l'affaire? C'est l'ego qui est dévoilé. Ben oui. Non, mais qu'est-ce que je sens? Parce que moi, ça, tu me touches une mémoire. Là. C'est comme, je te bats, là, mais c'est pour ton bien. Moi, ça me fait vibrer ça. Oui. Excuse, là, que je suis mieux de ne pas te parler. Non. Moi, là, j'essaie. Gars, Hier, tu m'as dit, à chaque fois que la carabine, elle claque, tu sais, c'est lâche pas, ma grande. C'est bon, lâche pas, continue. Je fais la même chose sur l'autre épaule. Non, en tout cas, tu l'as correct parce que ça touche exactement ma femme. Moi, ça me fait m'écraser. Au lieu de me donner toute la power, là, ça fait l'inverse. OK. Je suis pas la bonne personne, c'est tout. Oh, il s'est lasé. Claude. Ben, ça revient au fait que c'est le message au lieu du messager. C'est comme si l'intérêt est plus porté vers le messager, il va avoir un conflit qui va s'installer subtilement. Si la personne est capable de capter le message, c'est parce qu'elle est capable de s'affranchir du choc nécessaire. Parce que Daman, il disait toujours, pas de souffrance, pas d'avancement, quelque chose du genre. Pas de choc, pas de conscience. Pas de choc, pas de conscience. Si tu n'es pas capable d'absorber le choc nécessaire, c'est parce que tu ne vois pas le message. C'est comme tu ne te rattaches pas à la vibration, tu te rattaches à l'effort. C'est comme si tu penses trop à l'effort nécessaire pour t'affranchir de quelque chose au lieu de voir que, OK, la vibration va t'amener petit à petit à un mouvement quelconque. Mais ça, il faut que tu sois capable de capter le message seulement. Puis tu laisses le messager. L'objectivité, c'est ça, c'est d'être capable de capter le message d'une serveuse, de n'importe qui, ton patron, ton employé, la personne qui passe le balai. Mais pourquoi je parle fort? Pourquoi tu parles fort? Je sens un blocage? Non, c'est que tu fais partie de la... C'est comme si c'était une accélération. Tu sais, quand on dit pas de ça, pas d'avancement, c'est que un événement comme ça, c'est comme ça cristallise tout l'ensemble de la chose. C'est comme un polaroid de ce qui se passe dans sa vie. Quand tu parles avec elle, là, si on prend cet exemple-là, c'est la représentation de ce qui se passe réellement. Mais c'est comme si au lieu d'expliquer en détail ou de devenir objectif, c'est une concentration d'énergie. Puis, on n'a pas à se préoccuper pour voir si ça va passer ou pas. C'est le fait que si ça se passe, c'est nécessaire que ça se passe. Mais il faut garder l'objectivité. Si tu veux réussir à capter cette énergie-là, il faut que tu demeures objectif. Si tu rentres dans la dire que tu n'as pas le droit de me parler de même, là, c'est comme si tu fuis l'événement que tu as besoin de vivre en réalité. Que ça se passe de n'importe quelle façon, c'est pas ça qui est important. Juste avoir son feedback. T'écoutes-tu qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais écoute, tu vois, vu que là, je suis en émotion, ça catch plus, parce que là, je ne sais plus s'il parle. Moi, c'est toujours, moi, je dois m'ajuster. OK? Mais mettons, là, ici, là, je paye, je suis dans ton public. OK? Mettons que je suis pas moi. Mais est-ce que tout le monde va vivre ça? Je veux dire, tu n'auras pas beaucoup de. En tout cas. Si le monde sont dans l'émotivité, puis ils vivent, parce que c'est vrai que tu frappes exactement à bonne place, mais c'est trop. Puis là, tu écrases une mouche avec une masse, selon moi. C'est ton intensité. C'est que quand tu parles fort comme ça, là, quand tu mets de l'intensité, tu penses à la vibration guerrier. C'est pas qu'est-ce que tu dis qui est important, c'est la vibration qui passe. Parce que pour sortir de quelque chose, il faut que tu sois guerrier. Mm. Si tu allais, tu mords, tu seras jamais capable de te mettre en action. C'est parce que tu utilises la force qu'elle a. Oui, c'est ça. Daniel va mettre autant d'intensité que l'autre personne n'a pas. C'est ça que tu as fait. Puisque c'est la dernière, elle n'a pas pu observer que ça s'est arrivé à d'autres personnes qu'à elle. Non, c'est bien frère, mais c'est parce qu'il fait souvent avec l'air, avec... Non, il le fait avec tout le monde, mais c'est que peut-être qu'elle pense que c'est uniquement elle qui a choisi les gros noms. Ça se peut. Peut-être. Non, elle a raison. Je me sentais... je prends mon coup. Je peux pas être plus dans le tout que ça. Juste une question, même. Ça vous arrive, vous autres, à parler à quelqu'un, vous le au monde parce que l'autre, il est comme passif, le gars, mais c'est pas volontaire, c'est pas intentionnel, ça sort de même, c'est lui de la place, cette femme-là. Puis là, à un moment donné, tu dis, c'est arrivé une couple de fois, je dis, comment ça, je parle de même? Ça m'explique ça, c'est parce que t'es enragé pour l'autre, il y a une vibe que l'autre a pas. Tu sais, c'est comme un tout, l'effet de la balloune. Tu sais, la balloune, tu pèses dans les bancs, puis l'autre, elle fait pas. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas capable de bouger, on pèse la balloune, puis c'est l'autre bord qui s'agrossit. Mais toi, tu es du côté gros, puis l'autre, tu as une image que tu es en dedans. Parce que la vie, c'est un combo. La vie de tous les jours, c'est un combo. Et le fait qu'on puisse prendre le temps de communiquer ça, fais en sorte que tu es capable de voir rapidement ta photo, si tu veux. Puis, parce que de toute façon, même si tu ne le verrais pas, la vie, c'est ça pareil. C'est un combat éternel. Puis que tu puisses dire, OK, je ne veux pas voir ça, ou que tu puisses le voir, c'est pas ça qui est important. De toute façon, tu vas devoir passer à travers un événement. Ça fait que ça se passe de telle façon ou de telle autre. ça a plus ou moins d'importance. Le fait, c'est que tu as réussi à avoir une photo pour voir ce qui se passe, tout simplement. C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui empêche de voir la photo? De toute façon, tu vas l'avoir, c'est pas important. De toute façon, tu vas l'avoir dans la face, la photo. C'est pas important que la vie, c'est comme si c'est des vagues, c'est comme un océan. Faut que tu surfes sur les vagues. Fait que la vague, tu t'arrives à la vie aujourd'hui ou dans 3 mois. Anyway, tu vas vivre parce que t'es marqué pour ça. T'es marqué pour évoluer. T'es marqué pour apprendre à te battre, à te définir, etc. Mm-hmm. Fait que, on met bien de l'importance sur des paroles dites ou des événements qui se passent. Mais en réalité, de toute façon, les événements vont se produire de toute façon. Ils vont se produire, c'est ça. Mais aussi, ce que c'est que Daniel, il met une force de vitesse dans ça. C'est-à-dire que, oui, une accélération. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être dans la force de la parole quand il crie que c'est comme si, ça fait, ça nous secoue. Et ça nous interpelle, puis bon, ben, on est capable de voir mieux que si quelqu'un dit oui, puis tu sais, peut-être c'est ci, c'est ça. Quand c'est trop doux, c'est comme si on veut entourer quelqu'un. On veut le protéger, tandis que là, il n'y a pas de protection, c'est juste, écoute, c'est une question de vie ou de mort, c'est ça, puis tu comprends, tu ne comprends pas. Alors, ce que c'est que quand tu le reçois comme ça, c'est comme si c'était un gros choc. Oui, mais quand tu rentres chez toi, ben tu regardes que il y avait une part de vrai. C'est vrai ce qu'il dit, surtout le jour d'aller. Tu prends le temps de l'absorber. C'est pas il crie pas là, il n'identifie pas que on crie vers toi. C'est simplement qu'il essaie de te passer un message puis te le passe comme ça. Nous, on l'écoute, on l'entend, le message. C'est toi qui dois le prendre.